l'horizon sans addition ni soustraction. Et je rêve sur mon nuage d'un monde qui serait plus sage. Et je nage dans l'océan comme un poisson qui serait vivant. Je rêve d'un monde meilleur où les forêts seraient nos sœurs. Et je plane sur mon nuage d'un monde étant plus sage. Je rêve d'un monde meilleur où les forêts seraient nos sœurs. Et je plane sur mon nuage d'un monde de temps plus sage. Me tord le cœur et j'en ai marre du labeur. Je vole dans la noosphère à la recherche d'autres hémisphères. Le système me tord le cœur et j'en ai marre du labeur. Je vole dans la noosphère à la recherche d'autres hémisphères, d'autres hémisphères. Et je rêve d'un monde où les forêts seraient nos sœurs. Et je plane sur mon nuage d'un monde étant plus sage. Sans addition ni soustraction.